Oh! Thank you. Oh.

venu de loin. Si tu ne m'aimais pas, je t'aime. Si je t'aimais, tant pis pour toi. Si je t'aimais, tant pis pour toi. Tant pis pour toi, tant pis pour toi. Thank you. nostri piedi tutte le grazie della primavera。 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。